se complique. Mawa. Suzana Koulibaly, Suzana Koulibaly, demain c'est la fin du mois, demain j'ai donné toi l'argent, moi j'ai donné toi l'argent, pour payer ton loyer, pour acheter les bijoux, pour acheter les panneaux. Mais quand j'ai donné toi, tu donnais à Moussa, regardez-moi à Ferro, Suzana n'a pas confiance, Suzana. Demain c'est la fin du mois, demain j'ai donné toi l'argent, moi j'ai donné toi l'argent, pour payer ton loyer, pour acheter les bijoux, pour acheter les panneaux. Mais quand j'ai donné toi, tu donnais à Moussa, regardez-moi à Ferro, Suzana n'a pas confiance. ce n'est pas de ma faute. Eh oui, les ondes, ça circule, hein. Ah oui, oui, hein. Y a pas de fumée sans feu. Eh oui. Misère. Petit confère.